vite. Tiens, c'est ma liste pour Noël. Oula, c'est une longue liste ça. Oui bah, j'ai vraiment eu du mal à me décider hein. Mais attends, je sais pas si je vais réussir. Oh mais t'en fais pas, il y a tout aux Galeries Lafayette. En plus, du 9 au 19 décembre, il y a moins 25% sur toute la beauté, dont les coffrets. Oh, eh bah tiens, tu pourras en prendre un pour maman. Hors point rouge, avec le programme de fidélité Mes Galeries gratuit et sans engagement, voir conditions en magasin et sur galerielafayette.com. Galeries Lafayette, le grand magasin de tous. Pour la plupart d'entre nous, la démocratie, soit le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, est le meilleur des régimes politiques. En tout cas, le moins pire. Ça tombe bien car l'intuition d'Alexis de Tocqueville, parti quelques mois sur les terres américaines au début des années 1830, est que la démocratie est un fait inéluctable, auquel personne n'échappe, et cela, quoi que fassent ses partisans et ses adversaires. Reste que pour le juriste philosophe, bientôt député et ministre, la démocratie est moins un régime politique qu'un état social fait d'usage d'opinions et de sentiments, et qu'elle est moins régie par le principe de liberté que par l'égalité. Pire, elle pourrait même produire le contraire de la liberté, tyrannie ou despotisme. Comment la démocratie peut-elle paradoxalement ne pas être démocratique ? Aujourd'hui, de la démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville, volume 1, première et deuxième partie. Lorsque les pères fondateurs de ce pays ont osé déclarer l'indépendance de l'Amérique au monde entier, ils avaient conscience qu'ils détenaient leur pouvoir de gouverner de trois droits humains fondamentaux : la vie, la liberté, ainsi que la quête du bonheur. Aujourd'hui, nous consacrons à nouveau toute notre énergie à la préservation de ces droits considérés comme inaliénables. Mais même si nous portons le flambeau que ces grands noms de l'histoire ont allumé, nous devons tous nous souvenir que la lumière qu'il répand est souvent loin d'être aussi forte qu'elle le devrait. Son éclat vacille et faiblit à cause de la cupidité, de l'apathie et de la peur. Tocqueville disait, dans toute démocratie, le peuple a le gouvernement qu'il mérite, et c'est très souvent vrai. Aujourd'hui, je demande à chacun d'entre vous de m'aider à vous offrir le gouvernement que vous méritez, que mérite ce pays. Nous partageons tous la responsabilité que l'histoire a placée entre nos mains. Notre avenir, l'avenir de toute notre nation, en dépend aujourd'hui. Sous les applaudissements, bonjour Pierre-Henri Tavoyau. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Sorbonne Université, président du Collège de philosophie. Vous êtes l'auteur notamment de « Comment gouverner un peuple roi, traité nouveau d'art politique » paru aux éditions Odile Jacob et « Qui doit gouverner, une brève histoire de l'autorité » paru aux éditions Grasset. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Tocqueville, dans le premier volume de la démocratie en Amérique, va traiter ce paradoxe du fonctionnement de la démocratie qui peut parfois ne pas être démocratique? Oui, tout à fait. C'est vraiment l'objet de ce premier volume. Et aussi, Tocqueville a une responsabilité là particulière parce que jusqu'à Tocqueville, le mot démocratie, il faut bien avoir ça en tête. Pour nous, c'est, disons, une évidence. C'est un mot positif, c'est même un idéal. Pendant l'immense partie de l'histoire de la philosophie, le mot démocratie, c'est le synonyme d'anarchie, d'impuissance. Enfin, c'est très péjoratif. Et Tocqueville est celui qui va contribuer à le revaloriser tout en ayant toujours cette petite inquiétude. Parce que chez Tocqueville, au fond, il y a trois sens du mot démocratie que vous avez parfaitement formulé dans votre introduction. Le premier sens, c'est l'idée d'égalisation des conditions, c'est-à-dire que spontanément, c'est une vision du monde où spontanément, on perçoit l'autre comme un alter ego. C'est-à-dire les humains arrêtent de se penser comme membres de castes étrangers faisant partie d'humanités différentes pour se sentir appartenir à une humanité commune. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est l'idée d'un processus inéluctable, en effet. Voilà, cette égalisation des conditions n'a pas de limite. Et troisième sens, c'est un sens politique et institutionnel. C'est comment on fait en sorte, comment on fait pour que cette égalité, cette égalisation des conditions puisse être respectueuse de la liberté. Ça, c'est le problème que pose Tocqueville dans le premier volume de La démocratie en Amérique. Donc, si je comprends bien, on peut être dans une démocratie, dans un état social démocratique et avoir des institutions politiques a priori démocratiques, mais qui néanmoins ne vont pas faire aller de soi une démocratie, c'est-à-dire un gouvernement du peuple. Tout à fait. Prenons vraiment un exemple contemporain pour expliciter ça. Aujourd'hui, tout le monde est démocrate. Dans le monde, tout le monde est démocrate. La démocratie, et même la Corée du Nord est une démocratie, formellement. La Chine est une démocratie, c'est l'article 1 de la Constitution chinoise. Parce que dans démocratie, vous avez deux termes. Vous avez démos et kratos, le peuple et le pouvoir. Ces deux termes sont potentiellement très contradictoires. C'est en général là où il y a du démos, il n'y a pas beaucoup de pouvoir, et là où il y a du pouvoir, en général, on ne le donne pas au peuple. Donc il faut bien avoir en tête que ces deux termes sont contradictoires. Le principe de la démocratie libérale que va défendre Tocqueville, c'est un principe où on dit pas trop de peuple et pas trop de pouvoir. C'est un principe de limitation. Le pouvoir, le peuple par ses représentants, et le pouvoir, il faut le diviser et le limiter. Mais on peut très bien dire, ben non, il faut peu de pouvoir et beaucoup de peuple, c'est ce qu'on peut appeler les démocraties radicales, visant à l'anarchisme. L'anarchisme comme doctrine, hein, pas comme désordre. La démocratie illibérale, ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de pouvoir et peu de peuple. Voilà, le peuple, on le consulte pour nommer des représentants qui incarnent davantage le peuple. Et puis, on peut même penser à un quatrième modèle, que j'appellerais le populisme, qu'une sorte de rêve qui consiste à dire il faut toujours plus de peuple et toujours plus de pouvoir. Voilà. Donc, en fait, au fond, dans ces quatre modèles qu'on a aujourd'hui dans le monde, celui qui est véritablement respectueux de la liberté, c'est celui qu'avait envisagé Tocqueville, en disant en sorte il faut faire attention, la souveraineté du peuple, ça peut être dangereux, et puis trop de pouvoir, ça peut être aussi très dangereux. Si on veut garder la liberté, il faut pas trop de peuple et pas trop de pouvoir. Donc il avait raison quand il disait que la démocratie était un fait inéluctable, parce que c'est une chose qu'on n'a pas abordée hier lors de l'introduction, quand on a abordé l'introduction justement de la démocratie en Amérique avec notre invité Céline Spector, c'est qu'il dit que la démocratie est un fait providentiel, inéluctable. On pourrait dire que c'est un fait providentiel inéluctable que pour certaines sociétés. Or, comme vous le dites très bien, Pierre-Henri Tavoyon, en fait, c'est le terme de démocratie apparaît partout. Oui, la prophétie de Tocqueville l'a emporté contre toute vraisemblance à son époque. Hein. C'est-à-dire, encore une fois, bon, 1840, prenons même un siècle plus tôt, 1740. En 1740, il n'y a aucun régime au monde qui est démocratique. Démocratie, vous regardez l'article démocratie de l'encyclopédie de Diderot, le mot démocratie, c'est, je cite de mémoire, mais je cite vraiment, c'est un dispositif institutionnel ringard. Voilà, c'est dépassé, ça ne marchera jamais, c'est foutu. Voilà. Et donc, il y a eu Montesquieu quand même. Oui, mais même Montesquieu dit que c'est un régime extrêmement exigeant qui demande un peuple vertueux. Donc même Montesquieu n'y croit pas beaucoup. Et j'ajouterais Rousseau. Mais Rousseau dit la démocratie, c'est pour un peuple de Dieu. Ou pour des très petits territoires. Ou pour des très petits territoires, mais avec un modèle dont il voit très bien que c'est extrêmement difficile à appliquer. Un peuple de Dieu, hein, dans le contrat social, il faudra un peuple de Dieu. Donc voilà, ni Montesquieu ni Rousseau ne croient vraiment à l'avenir de la démocratie, il faut être clair. Et donc Tocqueville est le premier à envisager de manière absolument géniale, c'est ce qui fait de cet auteur un auteur qu'il faut absolument avoir lu et relire, on le relit toujours avec intérêt, il anticipe ce qui devient l'avenir politique de l'humanité. Donc c'est pas rien en ce sens. Oui, c'est vraiment un visionnaire. Alors il faut quand même rappeler que la démocratie en Amérique, ce sont deux volumes. Un premier volume paru en 1835, un deuxième volume paru en 1840. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ce premier volume qui comprend donc deux parties et qui s'intéresse notamment, comme j'ai dit, aux institutions politiques. Pourtant, Tocqueville nous avait annoncé dans son introduction que la démocratie était d'abord un état social avant d'être un régime politique. Et là, il s'intéresse aux institutions politiques. Est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer sur ce paradoxe, Pierre-Henri Tavoyot? C'est le grand défi, c'est-à-dire que Tocqueville, en allant aux États-Unis, il essaye de comprendre d'abord l'occasion de cette mission, c'est une mission parlementaire sur le système pénitentiaire, mais en fait c'est pas ça qui l'intéresse profondément, c'est plutôt le prétexte. Ce qui l'intéresse, c'est d'essayer de comprendre ce pays en essayant de voir que cette intuition démocratique qu'il a est la. C'est dans ce pays qu'elle existe pour la première fois. Et il essaye de démêler, un peu à la manière de Tocqueville, ce qui relève de la situation, j'allais dire, géographique du pays, ce qu'il appelle l'État, la situation du pays, de ce qui relève des lois propres, parce que là, il y a eu un phénomène totalement inventif. Hein, quand l'indépendance américaine a lieu, quand la première constitution de 1787 est rédigée, il y a une innovation politique totale dans le monde. C'est-à-dire que vous avez un peuple qui prend en main son destin, nous, peuple américain, et qui, là, on a quelque chose de tout à fait, voilà, de tout à fait inédit, qui est une bombe littérale. Hein. Donc nous, Français, on a l'habitude de dire que la bombe, c'est la Révolution française, mais il faut bien avoir en tête que les Américains créent le premier régime démocratique, au sens cette fois-ci politique du terme, de toute l'histoire de l'humanité. Beaucoup plus qu'à Athènes, où on a une sorte de dit, oui, la démocratie, c'est les Grecs qui l'inventaient. Oui, les Grecs inventent la démocratie, mais ils inventent aussi la critique de la démocratie. Je veux dire, Platon et Aristote ne sont pas des démocrates. Ils trouvent que ce régime athénien, même Thucydide, qui parle de cette démocratie athénienne, dit au fond, la démocratie athénienne a bien fonctionné quand il y avait un chef. Il s'appelait Périclès. Autrement, dans le régime normal, ça a très très peu marché. Et d'ailleurs, ils se sont pris une pâtée contre les Spartiates dans la guerre du Péloponnèse. Donc, il y a là vraiment, non pas simplement la réinvention, mais l'invention de la démocratie au sens moderne du terme. Voilà. Et puis, le troisième élément, c'est les mœurs. C'est ça qui l'intéresse aussi, c'est d'essayer de répartir entre ces trois causes, les causes géographiques, les causes ou géopolitiques, on dirait aujourd'hui, les causes légales, législatives, et puis les causes qui relèvent des mœurs, ensemble indéterminées. Voilà, c'est ça son énigme, et il va finir par dire que ce sont effectivement les lois et les mœurs qui sont les éléments les plus essentiels pour ce gouvernement. Lorsqu'on veut parler des lois politiques des États-Unis, c'est toujours par le dogme de la souveraineté du peuple qu'il faut commencer. Le principe de la souveraineté du peuple, qui se trouve toujours plus ou moins au fond de presque toutes les institutions humaines, y demeure d'ordinaire comme enseveli, on lui obéit sans le reconnaître, ou si parfois il arrive de le produire un moment au grand jour, on se hâte bientôt de le replonger dans les ténèbres du sanctuaire. En Amérique, le principe de la souveraineté du peuple n'est point caché ou stérile comme chez certaines nations. Il est reconnu par les mœurs, proclamé par les lois. Il s'étend avec liberté et atteint sans obstacle ses dernières conséquences. Il y a des pays où un pouvoir, en quelque sorte extérieur au corps social, agit sur lui et le force de marcher dans une certaine voie. Il y en a d'autres où la force est divisée, étant tout à la fois placée dans la société et hors d'elle. Rien de semblable ne se voit aux États-Unis. La société y agit par elle-même et sur elle-même. Il n'existe de puissance que dans son sein. On ne rencontre même presque personne qui ose concevoir et surtout exprimer l'idée d'en chercher ailleurs. Le peuple participe à la composition des lois par le choix des législateurs, à leur application par l'élection des agents du pouvoir exécutif. On peut dire qu'il gouverne lui-même, tant la part laissée à l'administration est faible et restreinte, tant celle-ci se ressent de son origine populaire et obéit à la puissance dont elle émane. Le peuple règne sur le monde politique américain comme Dieu sur l'univers. Il est la cause et la fin de toute chose. Tout en sort et tout s'y absorbe. France Culture, les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. C'était un extrait de La démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville, interprété par François Raison. On était dans le volume 1, la première partie, chapitre 4, du principe de la souveraineté du peuple en Amérique. Alors, ce texte soulève un certain nombre de questions. Il paraît assez simple, en fait, quand on l'écoute, Pierre-Henri Tavoyau. Et puis, finalement, il y a quand même plusieurs problèmes qui se posent, et notamment, en fait, ce dogme de la souveraineté du peuple qui semble être le centre de ce texte, qui nous semble être un concept assez évident, hein, comme celui de démocratie. Puis, finalement, en fait, ce concept de souveraineté du peuple, on ne comprend pas trop comment il fonctionne. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il comprend tout le monde, qu'il concerne tout le monde, qu'il n'est pas caché, mais visible aux États-Unis, mais quoi d'autre? Que dire d'autre de ce concept? C'est un texte absolument fondamental, parce que là, il y a vraiment un effet de basculement, même dans l'histoire de la philosophie politique. Il y a, je crois, trois idées dans ce texte qui sont vraiment très puissantes. Première idée, pas du tout intuitive, l'idée que la démocratie est naturelle à l'homme. Alors, on se dit, mais c'est quand même étrange, parce que si c'est naturel, pourquoi elle a attendu autant de temps pour s'imposer, si je puis dire? L'idée de Tocqueville ici, de dire, de toute façon, c'est toujours les hommes qui décident de la manière dont ils se gouvernent. Voilà, donc ça c'est très clair. Simplement, vous voyez le problème que ça pose. C'est-à-dire, pour se gouverner soi-même, il faut en même temps avoir la capacité de produire ce qu'on appelle l'obéissance volontaire. l'obéissance volontaire, parce que vous ne pouvez pas vivre ensemble s'il n'y a pas une loi qui s'impose à vous. Et les hommes ont très peu confiance en général, se dire bah, si c'est nous qui décidons la loi, ça ne va pas marcher. Donc il faut qu'on fasse venir la loi d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le régime de l'hétéronomie, c'est-à-dire l'idée que la souveraineté, on ne va pas l'identifier dans les humains, parce que ça va être fragile, contestable, tout ça, ça va être la guerre. Il faut qu'on la fasse venir d'autorité absolument supérieure à nous. Cette autorité, hein, je rappelle le terme autorité, ça veut dire augere, ça vient du latin augere, ça veut dire augmenter. Il faut qu'on booste, qu'on dope le pouvoir pour qu'il vienne et qu'il s'impose à nous. En fait, dans l'histoire de l'humanité, il y a trois grandes sources de l'autorité, de la souveraineté reconnue. Il y a le passé, c'est-à-dire qu'on se dit ce sont les grands ancêtres, hein, et on va faire comme on a toujours fait. La tradition. La tradition, et donc la règle de succession, c'est on va choisir les princes comme les rejetons des princes du passé. Il y a une deuxième solution qui est l'idée de nature, c'est-à-dire de cosmos, qui existe chez les Grecs, c'est-à-dire l'idée que pour qu'un gouvernement fonctionne, il faut que la loi émane de la nature elle-même. C'est-à-dire qu'il faut, comme dans la République de Platon, qu'on respecte l'ordre cosmologique avec les paysans en bas, les guerriers au-dessus, et puis tout en haut les meilleurs, c'est les philosophes. C'était le bon temps pour nous. Voilà, donc ça c'est la deuxième façon de fonder la souveraineté. Puis une troisième façon qu'on connaît davantage, c'est la souveraineté théologique, la souveraineté divine, c'est-à-dire l'idée que, comme dit l'épître aux Romains de saint Paul, tout pouvoir, toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire l'idée que pour obéir à une loi, il ne faut pas qu'elle vienne de nous, il faut qu'elle vienne d'ailleurs, du passé, de la nature ou du divin. La démocratie, c'est le moment où ce régime naturel, où l'humanité en fait refuse le pouvoir qu'elle a au profit d'instances supérieures, décide. C'est nous, on va y aller. Donc c'est l'autonomie. C'est l'autonomie, voilà. La démocratie, c'est l'autonomie, c'est la souveraineté du peuple. C'est, pour le dire de manière, pour bien montrer le problème, parce que c'est pas du tout, c'est un régime quand même qui est très très bizarre. Moi j'utilise souvent cette image du baron de Münchhausen. Vous savez, le baron de Münchhausen germanique se promène dans la forêt, enfin c'est un vantard absolu, il se promène dans la forêt avec son cheval, il veut sauter une mare, et il saute la mare avec son cheval, et puis on tombe en plein milieu de la mare, et puis il s'enfonce. Et puis il sait pas comment s'en sortir, jusqu'à ce qu'il ait une idée géniale. Il se prend par les cheveux qu'il avait longs et il se tire lui-même hors de la mare. Voilà. Ça nous fait tous rigoler, c'est absurde, ça n'a aucun sens. C'est ça la démocratie. C'est comment un peuple se sort lui-même du bourbier dans lequel il prend un malin plaisir en général à se mettre et décide d'obéir aux lois qu'il se donne à lui-même. C'est ça la démocratie, c'est un régime qui n'a aucune raison de marcher. Voilà, ça, il faut être clair. Ça. Ou alors qu'il y a toutes les raisons de bien marcher, puisque si on compte sur une aide extérieure, le baron aurait pu toujours attendre une aide extérieure. Et alors que là, finalement, il a pu céder lui-même. Voilà, il a pu céder lui-même. Mais du coup, vous voyez, c'est intéressant cette image parce que ça permet de montrer que le vrai problème de la démocratie n'est pas qu'elle marche pas bien, c'est qu'elle marche un peu. Voilà, et pas trop mal en vérité. Donc il faudrait presque inverser la charge de la preuve en disant c'est pas simplement le pire des régimes à l'exception de tous les autres, comme disait Churchill, mais en effet, c'est le meilleur parce que depuis que nous y sommes, ça fait vraiment 200 ans, au fond, sur un certain nombre d'indicateurs assez palpables, les choses vont plutôt mieux en vérité pour l'humanité en termes de guerre, en termes de... même s'il y a des choses abominables, mais voilà. Donc en fait, voilà le deuxième sens. La troisième idée de ce texte, elle est très profonde, c'est qu'il y a un risque gigantesque à installer cette souveraineté du peuple. C'est ce qu'il dit à la fin, comme Dieu sur l'univers, il est la cause et la fin de tout, tout en sort et tout s'y absorbe. C'est magnifique. Oui. Parce que ça veut dire qu'il y a le risque d'un absolutisme démocratique. Tocqueville est un libéral, c'est-à-dire que pour lui, il voit les effets délétères de l'absolutisme monarchique, c'est-à-dire un pouvoir sans limite. En vérité, dans l'absolutisme monarchique, il y a beaucoup de limites. Parce que Dieu, il y a un truc au-dessus de lui, pardon, le roi, il y a un truc au-dessus de lui, c'est Dieu. Donc il ne peut pas faire ce qu'il veut. Le risque du souveraineté du peuple, c'est qu'il n'y ait aucune limite. Parce que le peuple est là, on ne sait pas très très bien qui il est, qui est le peuple, vaste question. Et ce peuple qui est à la souveraineté, potentiellement, il n'a aucune limite à l'extérieur de lui, donc ça peut produire des dictatures, un despotisme absolu. C'était ça le deuxième problème pour moi dans ce texte, au-delà de bien définir ce que c'est que souveraineté du peuple, et donc notamment cette idée de souveraineté que vous avez expliquée par l'idée d'autonomie, c'est cette idée de peuple. Tocqueville parle du dogme de la souveraineté du peuple, or dans le texte, il n'emploie pas seulement le terme peuple, il emploie le terme société. Il y dit, voilà ce qui se voit aux États-Unis, la société y agit par elle-même et sur elle-même, il n'existe de puissance que dans son sein, on ne rencontre presque personne qui ose concevoir et surtout exprimer l'idée d'en chercher ailleurs. Or, peuple et société, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a un très grand risque. D'ailleurs, quand on essaie de définir le peuple, on est pris par une sorte de litanie un peu bizarre aujourd'hui encore. C'est-à-dire, on va dire voilà le peuple. Vous voyez, aujourd'hui, la campagne présidentielle a lieu, donc les candidats vont aller rencontrer le peuple. Alors, qu'est-ce qu'ils font en général? Ils vont rencontrer la société. Enfin, ils vont faire le tour de France, ils vont rencontrer les Français. Parce que ça ne marche pas. On le trouve jamais le peuple. On va jamais serrer la main au peuple. On va trouver du peuple, mais pas le peuple. Alors, en général, quand on est déçu de ça, on cherche les ennemis du peuple. En général, ça marche mieux, donc définir le peuple par ses ennemis. Mais il y a tellement d'ennemis du peuple qu'à la fin on se retrouve tout seul et puis on finit par penser que le peuple c'est moi. Et là, vous voyez, la tendance peut être potentiellement extrêmement risquée. Donc c'est cette dérive que les penseurs libéraux essayent d'éviter. Alors ils le font, si j'apporte un peu la solution en anticipant légèrement ce que Tocqueville va proposer, c'est que pour lui, le peuple doit impérativement présenter plusieurs visages. Plusieurs visages, donc diviser la figure du peuple pour éviter l'absolutisme. C'est-à-dire? Alors, très simplement, le peuple, on peut le dire, il y a trois idées de peuple que Tocqueville défend. Le peuple, c'est d'abord effectivement la société quand même, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. Vivre ensemble. Mais vivre ensemble, ça ne suffit pas pour faire un peuple, parce qu'on peut vivre côte à côte ou face à face. En plus du vivre ensemble, il faut vouloir vivre ensemble, ce qu'on appelle la vie commune. Vouloir vivre ensemble, ça veut dire vouloir s'installer dans la vie commune, dans la durée, avec un passé, un présent, des lois, un avenir, une perspective. Mais ça ne suffit pas encore pour faire un peuple, selon Tocqueville. Il ne suffit pas d'avoir la société, il ne faut pas simplement l'État qui incarne ce vouloir vivre en commun. Il faut aussi discuter ensemble de la manière dont on veut vivre ensemble. Et ça s'appelle l'opinion publique. Et voyez, l'idée est très puissante, c'est que ces trois figures de peuple, aucune ne peut prétendre à être le peuple à lui tout seul. Et ce qui est intéressant, c'est surtout, c'est que ces figures peuvent être concurrentes. Quand Tocqueville dit « la société y agit par elle-même et sur elle-même » et qu'en fait c'est une puissance extraordinaire, on voit bien déjà la tension qui est en train de se jouer, qui revient à la problématique que j'ai annoncée dès le début, à savoir la démocratie peut ne pas être démocratique. Il s'agit que la société peut finalement être au pouvoir, régner d'une certaine manière et néanmoins, comment dire, enserrer le peuple, l'absorber justement. Exactement, c'est les trois risques libéraux, c'est pour ça qu'il faut trois peuples impérativement. Si vous avez que la société, ça s'appelle la privatisation de tout. Si vous avez que l'État, ça peut être la propagande, voire le totalitarisme. Et si vous avez que l'opinion publique, ça veut dire le triomphe de l'opinion, reine du monde, tyrannie du monde. Et ça peut être ce qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui le culte de la transparence, qui est un truc abominable, même si ça, souvent on le voit de manière vertueuse. Voilà, et donc le grand danger pour les libéraux, c'est de dire un seul peuple va dominer. Pour Tocqueville, il faut ces trois peuples tout le temps, parce que c'est ainsi qu'on limitera le pouvoir du peuple, puisque ce pouvoir du peuple, s'il est excessif, il n'aura aucune limite, et ça produira effectivement un dispositif totalitaire. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'on entend aussi que la souveraineté du peuple, comme il le dit, n'est pas du tout cachée, et qu'on voit bien finalement à la fois ces trois visages du peuple, comme vous l'avez dit, Pierre-Henri de Tavoyot, mais aussi cette idée qu'ils peuvent être en concurrence. On voit en fait déjà qu'il y a à la fois le mal et le remède, d'une certaine manière. Oui, ça c'est là aussi, alors c'est pas Tocqueville qui invente cette idée, mais c'est Machiavel plutôt, qui invente l'idée que un bon régime, c'est un régime dynamique. Un bon régime, c'est pas un régime où on abolit tous les conflits, mais on les garde dans un cadre commun. C'était la grande idée de Machiavel qui parlait des tumultes. Ce pourquoi Machiavel est un penseur libéral, quoi qu'on dise, aussi. Les tumultes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas figer tout. Si on fige tout, si on enlève toute espèce de concurrence avec une solution unique, ça va être une catastrophe. Ça, c'est Platon, c'est les républiques de Platon où c'est un peu bétonné. Voilà. Pour Tocqueville, c'est la dynamique. Voilà. Une société, ça vit, et donc c'est cette confrontation entre des forces, pas des forces infinies, il faut que ça reste uni, c'est les mœurs d'ailleurs, mais cette confrontation entre des forces est le meilleur garant de la liberté, un pouvoir, des contre-pouvoirs, toujours. Vous avez assisté au débat. Vous savez qu'il s'agit d'un cas assez complexe, d'un meurtre avec préméditation. La préméditation en matière d'assassinat est ce que nos cours criminelles ont à juger de plus grave. Vous avez entendu les témoignages. On vous a lu expliquer les textes de loi qui seront appliqués dans ce cas. Et maintenant, votre devoir est de réfléchir afin de séparer les faits de ce qui relève de l'imagination. Un homme a été tué et la vie d'un autre est en jeu. S'il existe dans votre esprit un doute valable sur la culpabilité de l'accusé, un doute valable, vous devez m'apporter un verdict de non-culpabilité. Si vous n'éprouvez aucun doute valable, vous devez, en votre âme et conscience, déclarer l'accusé coupable. Quelle que soit votre décision, elle devra être unanime. Dans le cas où vous rendriez un verdict de culpabilité, la Cour ne le discutera pas. Il sera irrévocable et entraînera automatiquement la sentence de mort. Vous assumez, messieurs, une grave responsabilité. Je vous remercie. Les jurés suppléants peuvent se retirer. C'était un extrait du film de Sidney Lumet de 1957, 12 hommes en colère. Il faut revenir sur la manière dont apparaît en fait cette souveraineté du peuple pour Tocqueville. On l'a entendu, elle apparaît ici par exemple dans une cour, dans un tribunal. On voit bien en fait que la souveraineté populaire, Pierre-Henri Tavoyot, est véritablement quelque chose de visible et qui peut s'exercer à tout un ensemble d'endroits. Donc il parle de la commune, il parle de la presse, il parle des partis, mais il y a quand même cette idée aussi que les jurys sont un moyen d'expression démocratique du peuple. Oui, il a de très beaux passages sur le dispositif des jurys, notamment en disant que ça permet effectivement d'incorporer par chaque individu, chaque citoyen, les lois, puisque jugeant les autres, ou pouvant juger, susceptible de juger les autres, on est aussi capable d'envisager qu'on puisse être jugé par les autres. Donc ça crée à la fois un accord sur les mêmes lois, ça crée aussi la perspective de pouvoir être maître du destin, en tout cas de son destin commun. Donc il y a dans ces procédures démocratiques quelque chose de très puissant, avec à chaque fois des abus possibles, le fait que notamment que cette majorité puisse produire, on va en parler, une forme de tyrannie, c'est-à-dire, mais dans un premier temps, avant d'envisager ces effets pervers, effectivement, opinion publique, c'est-à-dire l'idée que les paroles puissent être entendues librement, exprimées, qu'il y a d'ailleurs aux États-Unis assez peu de limites en vertu des amendements de la Constitution, de limites à cette liberté d'expression, beaucoup moins d'ailleurs de limites qu'en France, où on est beaucoup plus strict de ce point de vue-là. Et donc ces éléments-là témoignent effectivement de l'émergence très concrète. C'est pas une idée de philosophe, la souveraineté du peuple, c'est vraiment des dispositifs très concrets. Ouais, ça c'est vraiment intéressant parce qu'il y a cette idée d'exercice de la liberté politique où le terme exercice n'est pas du tout cosmétique. Il y a véritablement un apprentissage de la démocratie en la faisant, c'est-à-dire il y a notamment aussi ce lieu qui est la commune, qui est véritablement pour Tocqueville un lieu d'exercice politique où les citoyens en fait ne vont pas se serrer la main, signer un contrat social et appliquer un ensemble de règles prédéterminées. Ils vont finalement créer ces règles-là en vivant ensemble, ce qui est vraiment une philosophie politique distincte de théories telles que celles qu'on trouve chez Hobbes ou Rousseau. Tout à fait, c'est vraiment c'est ça qui est toujours intéressant, c'est que chez Tocqueville, c'est qu'il identifie des petites réalités qui sont très emblématique d'une idée profonde. Et ça, c'est vraiment quelque chose que c'est pas un philosophe dans les nuages, si je puis dire. C'est vraiment quelqu'un qui est attentif aux petits phénomènes et qui est capable aussi de les interpréter très fortement. D'ailleurs, le fonctionnement, vous voyez, on se plaint beaucoup de l'abstention en France, et à juste titre, des citoyens, mais on oublie souvent qu'il y a 600 000 élus en France. 600 000 élus. C'est-à-dire, c'est le record du monde du nombre d'élus. Ça veut dire qu'on a une démocratie représentative qui est très participative, en vérité. Presque un citoyen sur 100 est un élu. Et un élu, c'est du boulot. C'est comprendre les lois. Enfin, c'est un vrai travail. Et donc ça témoigne du dynamisme de la démocratie française. C'est cette présence, comme disait Tocqueville, des élus. On s'occupe des affaires publiques au quotidien. On engage nos vies, parfois avec des risques, parce qu'être élu aujourd'hui, c'est un sacré pari. Et donc, il y a effectivement cette dimension du dynamisme d'une démocratie qui s'infuse progressivement dans les mœurs et qui fait que effectivement on peut y adhérer. Est-ce qu'on peut entrevoir le risque, Pierre-Henri Tavoyot, de justement, comme vous l'avez dit, en fait presque d'une conduite irrationnelle en fait de ces groupes, de ces associations? Tocqueville parle d'associations hein, quand il s'agit notamment des communes ou des jurys ou en fait de tout ce qui relève de l'exercice de la liberté politique. Est-ce qu'on peut parler en fait presque de risque d'irrationalité, c'est-à-dire que tout à coup le peuple gouvernant, créant ses règles au fur et à mesure qu'il exerce, peut prendre un mauvais sens finalement et par exemple, on l'a entendu dans l'extrait du film, est-ce qu'il peut le prendre une mauvaise décision? Bien sûr, puisque... Et quel contre-pouvoir alors pour le réguler? Voilà, alors c'est le grand défi, c'est ce que Tocqueville résume sous l'appellation tyrannie de la majorité potentiellement. Pas de la majorité au sens du peuple, mais effectivement dans un jury ou dans une petite commune, le 12 hommes en quelle heure est emblématique, c'est-à-dire c'est précisément la position minoritaire qui va finir par l'emporter. C'est une belle histoire, mais pour cette belle histoire, combien de mauvaises histoires ou combien effectivement d'échecs? Et donc l'idée ici est très forte, c'est-à-dire que l'idée est que cette majorité peut, à un moment ou à un autre, c'est très simple à exprimer, se mettre à décider à la majorité de opprimer la minorité. Voilà. Imaginons par exemple que, je vais prendre un exemple qui est un peu tragique, mais qu'à la majorité, l'Assemblée dise, ou le peuple dise, nous allons exterminer tous ceux qui portent des lunettes, voilà, qui sont minoritaires dans le pays. Voilà. c'est à la majorité, donc potentiellement c'est démocratique. Qu'est-ce qui peut empêcher ce genre de décision? Je prends cet exemple-là parce que c'était au Cambodge, à l'époque des Khmers rouges, effectivement, ceux qui portaient des lunettes étaient réputés être des intellectuels, donc inutiles pour la révolution, qui étaient agraires, et il fallait les exterminer. Et donc c'est là où Tocqueville dit il faut des barrières. Alors, les barrières... Des barrières extérieures ou des barrières qui viendraient du fonctionnement démocratique et de manière interne? Les deux, c'est-à-dire à la fois des barrières extérieures qui viennent de la loi. Ça s'appelle, par exemple, aux États-Unis ou en France, le contrôle constitutionnel. C'est-à-dire qu'un peuple, même à la majorité, ne peut pas se détruire comme peuple. C'est ça le principe de la Constitution. C'est pas simplement des idées qui sont comme ça absurdes, c'est il ne peut pas se détruire comme peuple, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, si un peuple décide à la majorité de se séparer d'une minorité, il cesse d'être un peuple. Il se trahit lui-même. Et ça, il n'a pas... Vous voyez, donc c'est interne, c'est une forme de transcendance dans l'immanence, c'est à la fois un principe supérieur, mais que nous sommes obligés d'admettre, c'est ça l'autonomie, parce que nous nous disparaîtrions comme peuple, et dans ce cas-là, ce serait le retour à l'état de nature et à la guerre civile. Donc le principe du contrôle constitutionnel, alors qui peut être dévoyé aussi, bien sûr, mais dans la Cour constitutionnelle, la Cour suprême américaine ou en France avec le Conseil constitutionnel, très tardif d'ailleurs hein, en France parce qu'on se méfiait de cette idée, c'est l'idée que le peuple n'a pas le droit de se trahir, de se détruire comme peuple, parce que dans ce cas-là, la démocratie ne peut plus exister. Donc ça, c'est un contrôle interne-externe, et il y a un contrôle interne que Tocqueville décrit beaucoup, ce sont les mœurs. C'est-à-dire l'idée que... Alors les mœurs, c'est très très très délicat, c'est-à-dire qu'au nom des mœurs, on peut aussi faire des choses abominables, hein. La majorité qui peut effectivement décider à un moment donné, l'opinion publique, cette tyrannie d'un certain genre. Et donc les mœurs constituent malgré tout, dans un univers de liberté qu'est les États-Unis, un cran d'arrêt possible, mais pas infaillible. Voilà. Donc, vous voyez, la prudence, l'extrême prudence de Tocqueville en la matière, il préfère les lois, c'est plus solide. Mais les mœurs sont peut-être plus efficaces, mais moins solides. Je vous propose, Pierre-Henri Tavoyot, d'écouter justement ce texte où Tocqueville condamne cette tyrannie de la majorité. Qu'est-ce qu'une majorité prise collectivement, sinon un individu qui a des opinions et le plus souvent des intérêts contraires à un autre individu qu'on nomme la minorité? Or, si vous admettez qu'un homme revêtu de la toute-puissance peut en abuser contre ses adversaires, pourquoi n'admettez-vous pas la même chose pour une majorité? Les hommes, en se réunissant, ont-ils changé de caractère? Sont-ils devenus plus patients dans les obstacles en devenant plus forts? Pour moi, je ne saurais le croire. Et le pouvoir de tout faire, que je refuse à un seul de mes semblables, je ne l'accorderai jamais à plusieurs. Ce que je reproche le plus au gouvernement démocratique tel qu'on l'a organisé aux États-Unis, ce n'est pas, comme beaucoup de gens le prétendent en Europe, sa faiblesse, mais au contraire sa force irrésistible. Et ce qui me répugne le plus en Amérique, ce n'est pas l'extrême liberté qui y règne, c'est le peu de garanties qu'on y trouve contre la tyrannie. Lorsqu'un homme ou un parti souffre d'une injustice aux États-Unis, à qui voulez-vous qu'il s'adresse? À l'opinion publique? C'est elle qui forme la majorité. Au corps législatif? Il représente la majorité et lui obéit aveuglément. Au pouvoir exécutif? Il est nommé par la majorité et lui sert d'instrument passif. À la force publique? La force publique n'est autre chose que la majorité sous les armes. Au jury? Le jury, c'est la majorité revêtue du droit de prononcer des arrêts. Les juges eux-mêmes, dans certains États, sont élus par la majorité. Quelque inique ou déraisonnable que soit la mesure qui vous frappe, il faut donc vous y soumettre. Quel texte, franchement, quel texte. Donc Alexis Tocqueville de La démocratie en Amérique. Nous sommes toujours dans le premier volume, c'est la deuxième partie, c'est le chapitre 7, Tyrannie de la majorité. C'était interprété ici par notre comédien Georges Kless. Alors oui, effectivement, quel texte, parce que comme on l'a entendu, il condamne parfaitement la tyrannie de la majorité. Il met parfaitement les mots sur ce phénomène qu'on pourrait tout à fait décrire actuellement. Et en plus, dans ce texte, il a l'audace de parler des minorités, termes tout autant actuels, et de les mettre finalement en balance. Et il pose cette question, comment faire quand on a une tyrannie de la majorité? Comment faire quand on est dans une souveraineté du peuple qui est censée représenter, concerner tout le monde et qu'on est passé à la majorité, c'est-à-dire à la plupart des individus citoyens, mais pas tout le monde, effectivement, qui ne concerne pas la totalité des individus. Oui, la tyrannie de la majorité, c'est vraiment une idée d'ailleurs très ancienne, parce que au fond, le principe de majorité n'est pas inventé par la démocratie moderne. On le retrouve d'ailleurs dans l'Église, qui est d'ailleurs souvent, l'Église, on l'oublie un peu, un laboratoire de la démocratie. Parce que vous prenez un petit monastère, on doit élire l'abbé, au fond, c'est une petite démocratie, les gens sont plutôt égaux, il n'y a pas de... Voilà, l'abbé vient de mourir, et donc il va falloir inventer des institutions, et souvent on considère que la règle de Saint-Benoît, c'est la première anticipation des phénomènes démocratiques. Mais il y avait une règle justement qui était très intéressante, qui n'était pas la règle de la majorité absolue, cette règle on l'appelait « maior et senior pars », c'est-à-dire quelqu'un devait être choisi avec la major pars, donc la part majoritaire, mais on ajoutait et senior, la part la plus saine. Ce qui fait que si un petit monastère votait pour son abbé, l'évêque avait toujours le droit de regard, parce que lui, il était la part la plus saine, et donc ça contrôlait, s'il estimait que le choix avait été mauvais, ou influencé, ou diabolique, il pouvait intervenir et changer le choix de cette majorité. Donc, vous voyez, la majorité a toujours eu en tête l'idée qu'il fallait quelque chose de supérieur, parce qu'effectivement, cette majorité pouvait errer, pouvait se tromper. On trouve ça d'ailleurs aussi chez Proudhon, pas dans l'Église, mais chez Proudhon, qui dit que la majorité est un principe totalement irrationnel, et au nom de la majorité, on peut faire des choses abominables. Alors, Tocqueville, par rapport à ça, est vraiment très, très, très clair. Donc, il identifie bien ce danger. Danger d'autant plus fort, encore une fois, il faut le rappeler, hein, c'est un package, d'autant plus fort en démocratie que la majorité apparaît comme la seule règle possible. Vous voyez, seigneur pars, on voit bien, ça vient de Dieu, ça vient d'en haut, donc ça s'impose. En démocratie, on est tout seul. Donc, il faut un truc. Il faut un truc qui nous permette d'apporter un frein. Mais on voit bien aussi que dans ce texte, il se pose un autre problème que le problème finalement politique, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la majorité qui va décider, c'est qu'on voit bien aussi qu'il y a des mœurs dominantes. On entend là quand même cette idée sous-jacente, alors peut-être, vous allez me dire, Pierre-Henri Tavoyot, peut-être que je plaque une lecture contemporaine sur ce texte de Tocqueville, mais effectivement, on entend bien aussi quand même la critique de l'absence de nuances, d'une forme de pensée unique, où les minorités ne pourraient pas s'exprimer, ne trouveraient pas les moyens non seulement de s'exprimer, mais même d'être puisque cette majorité va presque nous envahir dans nos sphères privées et dans nos esprits. Oui, l'idée d'un ordre moral, c'est-à-dire effectivement l'idée d'une espèce d'unanimisme de façade, avec potentiellement la possibilité que... Alors ça, c'est un peu ambigu chez Tocqueville, c'est un point sur lequel on peut discuter, Tocqueville, aujourd'hui. C'est est-ce que cette majorité est la vraie majorité, ou est-ce que c'est une majorité fabriquée, construite, superficielle? D'ailleurs, parce qu'il faut le dire, il y a quand même toute une partie aussi sur la presse. Oui, c'est ça. Donc effectivement, et les partis, donc jusqu'où cette majorité est fabriquée par les partis et la presse? Voilà, donc en quel sens? Et c'est un point sur lequel Tocqueville il avait de raison de ne pas avoir anticipé, qui est aujourd'hui quelque chose qu'on peut aussi constater, c'est la potentielle tyrannie des minorités. Qu'est-ce que c'est qu'une tyrannie des minorités? C'est une tyrannie qui, effectivement, avec les réseaux sociaux et les nouvelles technologies, vous avez un petit groupe qui peut s'imposer dans l'espace public par des coups médiatiques, et qui, d'une certaine façon, peut arriver à se faire passer pour la voie majoritaire. Donc ça, c'est quelque chose que Tocqueville n'avait pas anticipé, mais l'idée malgré tout est présente avec, par exemple, on peut prendre des exemples aux États-Unis, le débat sur l'esclavage, le débat sur l'égalité des races, le débat sur le macartisme, sont autant de moments où, il faut bien le reconnaître, l'opinion publique américaine a singulièrement erré avec des effets qui sont des effets qui ont été délétères, enfin je pense au macartisme en particulier, et donc ce triomphe sans borne de la majorité, cette tyrannie de l'opinion publique peut être effectivement très dangereuse. Oui, parce que le problème qui apparaît quand même plus régulièrement, et d'ailleurs le terme de minorité l'indique bien, c'est plutôt que la majorité va écraser les minorités plutôt que l'inverse. Qu'on entende plus les minorités interroge justement sur le fait, sont-elles encore minoritaires ou sont-elles des minorités qui ont enfin, peut-être est-ce là la solution finalement au problème que avait dénoncé Tocqueville dans cette tyrannie de la majorité. Finalement, dès lors qu'on parle de tyrannie des minorités, peut-être c'est juste seulement qu'on les entend. Peut-être juste s'expriment-elles. Oui, mais au risque effectivement de s'imposer dans l'espace public et de donner on voit beaucoup dans le populisme d'aujourd'hui une sorte de réaction à ce qu'ils identifient comme la tyrannie de minorité, la tyrannie indue. Avec le risque, vous voyez, le risque est ici, c'est à force de dire majorité, minorité au pluriel, eh bien le commun disparaît. Voilà, on ne vit plus en commun. Et c'est ça la grande difficulté, c'est que la majorité peut opprimer, les minorités peuvent vouloir d'être dans une logique de séparation, de séparatisme, en voyant des conflits partout, et donc on perd la vie commune. Ce sont deux dangers entre lesquels, là aussi, le penseur libéral doit essayer de naviguer, sans éviter l'expression des minorités, ce qui serait scandaleux, sans éviter, et en évitant le triomphe de l'absolu de la majorité, ce qui serait aussi scandaleux. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut dire que si on emploie le terme de majorité, qu'on emploie Tocqueville, on peut effectivement se poser la question de comment apparaît cette majorité, comment elle se constitue effectivement naturellement, spontanément, est-ce qu'elle est fabriquée, mais on peut aussi se dire que de fait s'il y a une majorité, on va sous-entendre qu'il y a des minorités. Ça veut dire aussi qu'en employant ce terme-là, on sait aussi qu'on met de côté une certaine partie de la population et que est-ce que c'est un problème du coup de nom finalement, majorité, minorité, ou est-ce qu'en fait il faudrait plutôt parler de partage de l'opinion avec une opinion qui serait dominante et d'autres opinions plurielles. C'est pour ça que les institutions démocratiques sont capitales de ce point de vue-là, au-delà de l'espace public et de l'opinion, où là, effectivement, le contrôle n'existe pas, mais le principe de base d'un Parlement, c'est le temps de parole et la marge de manœuvre des minorités. C'est-à-dire des minorités, il y a une partie au pouvoir, il y a ceux qui ne sont pas au pouvoir, et donc l'élément capital. C'est pourquoi, vous voyez, on peut regarder la démocratie participative avec un peu de prudence et de suspicion, parce que dans la démocratie participative, cette idée de respect des minorités risque de se diluer. Au fond, c'est dans une sorte de spontanisme démocratique. La démocratie représentative est la seule qui, légalement, dit « Ok, le temps de parole du parti au pouvoir s'étend, mais il y a, sur le plan des nominations, dans certaines fonctions clés, sur le plan du temps de parole législatif, un temps de parole dédié aux minorités. » Ça, c'est capital. Parce que vous voulez dire, c'est que la démocratie représentative fonctionne sur le principe d'équité, c'est-à-dire chacun revient sa part d'expression en fonction de son importance dans le champ de l'opinion publique, alors que la démocratie participative rencontre cet écueil qu'elle nivelle toutes les opinions. C'est-à-dire autant celles qui sont présentes, on va dire, à 30% que celles qui seraient présentes à 1%. Dans une démocratie participative, le risque majoritaire de la tyrannie de la majorité est beaucoup plus important que dans une démocratie représentative. C'est pourquoi il ne faut pas nier les acquis de la démocratie participative, mais il faut être extrêmement vigilant au fait qu'on respecte les formes là-dessus. On a tous participé à une AG quand on était étudiant. On voit très bien que c'est ou pas... Ou salarié à Radio France. Voilà, c'est pas... Oui, ou pareil. Donc, on voit que c'est pas du tout démocratique et qu'il y a effectivement, sous la forme de spontanéisme, des effets de pouvoir plus ou moins visibles qui s'expriment de manière absolument scandaleuse du point de vue de l'équité, en l'occurrence, et du respect de la minorité. Donc, il faut être extrêmement attentif à cette affaire et ne pas faire de la démocratie participative l'idéal de la démocratie. La démocratie représentative a bien des atouts, même si en effet elle doit aussi être réformée. Alors on a parlé, Pierre-Henri Tavoyola, de la tyrannie de la majorité, hein, qui est quand même un des dangers qu'a bien pointé Alexis Tocqueville dans ce dogme de la souveraineté populaire. Je vous propose d'écouter un autre texte, à écouter attentivement pour bien saisir l'ironie d'Alexis Tocqueville qui pointe un autre écueil de la démocratie aux États-Unis. De quelque côté qu'on envisage la destinée des indigènes de l'Amérique du Nord, on ne voit que maux irrémédiables. Les Espagnols lâchent leurs chiens sur les Indiens comme sur des bêtes farouches. Ils pillent le Nouveau Monde ainsi qu'une ville prise d'assaut sans discernement et sans pitié. Mais on ne peut tout détruire. La fureur a un terme. Le reste des populations indiennes échappées au massacre finit par se mêler à ses vainqueurs et par adopter leur religion et leurs mœurs. La conduite des Américains des États-Unis envers les indigènes respire au contraire le plus pur amour des formes et de la légalité. Pourvu que les Indiens demeurent dans l'état sauvage, les Américains ne se mêlent nullement de leurs affaires et les traitent en peuple indépendant. Ils ne se permettent point d'occuper leurs terres sans les avoir dûment acquises au moyen d'un contrat. Et si par hasard une nation indienne ne peut plus vivre sur son territoire, ils la prennent fraternellement par la main et la conduisent même mourir hors du pays de ses pères. Les Espagnols, à l'aide de monstruosités sans exemple, en se couvrant d'une honte ineffaçable, n'ont pu parvenir à exterminer la race indienne, ni même à l'empêcher de partager leurs droits. Les Américains des États-Unis ont atteint ce double résultat avec une merveilleuse facilité, tranquillement, légalement, philanthropiquement, sans répandre de sang, sans violer un seul des grands principes de la morale aux yeux du monde. On ne saurait détruire les hommes en respectant mieux les lois de l'humanité. C'était donc un extrait toujours de La démocratie en Amérique, interprété ici par François Raison, Alexis Tocqueville, évidemment, toujours le premier volume, livre, deuxième partie, chapitre 10, quelques considérations sur l'état actuel et l'avenir probable des trois races qui habitent le territoire des États-Unis. C'est une partie, en fait, de La démocratie en Amérique, Pierre-Henri Tavoyot, qu'on écoute peu, qu'on commente peu, alors qu'elle est véritablement cruciale. Tocqueville passe une certaine partie de ce premier volume de La démocratie en Amérique à nous prouver que la souveraineté du peuple éclate et visible partout, qu'elle est fondée sur l'égalité des conditions. Et puis problème quand même, il y a le génocide, dénoncé d'ailleurs avec beaucoup d'ironie dans ce texte par Tocqueville, le génocide des Amérindiens. Et puis il faudra aussi parler en fait de ce que Tocqueville va anticiper, la question noire, la question de l'esclavage qu'il dénonce aussi. Oui, alors ça, c'est très important parce que Tocqueville a une analyse globale, donc il voit les avantages, il voit les institutions avec leurs forces et leurs faiblesses, mais il voit les deux bombes à retardement qui existent dans les États-Unis. C'est effectivement la question indienne et la question noire, dont il faut bien voir que la Constitution de 1787 est quand même est assez extrêmement surprenante du point de vue d'aujourd'hui. Hein, mais d'une part, en 1787, les Indiens ne sont pas considérés comme des citoyens à part entière, non pas du tout parce qu'on les méprise, là encore, vous voyez, ce sont des humains, il n'y a pas de problème, simplement on les exonère d'impôts. Et donc, puisqu'on les exonère d'impôts, ils n'ont pas à participer à l'Assemblée, puisque le principe de l'Assemblée, c'est le consentement à l'impôt. Donc, on les a exonérés des impôts, donc on peut considérer qu'ils n'ont pas... Voilà, mais pour leur bien, parce qu'on ne va pas leur faire peser, ils sont les gens du pays, donc on ne va pas en plus les imposer. Mais du coup, on les vire, si je puis dire, de la citoyenneté. Enfin, le truc est extraordinairement généreux. Oui, c'est-à-dire que derrière des prétextes juridiques, oui, ou humanitaires, voilà, pour leur bien, finalement, voilà, ils vont exclure... des populations du système démocratique. Donc, et puis par ailleurs, toute cette politique humanitaire. Enfin, le texte de Tocqueville est absolument sublime, qui montre d'ailleurs que ces grands principes, et d'ailleurs, il faut qu'on en garde en tête, hein, les droits de l'homme que nous avons nous font commettre parfois des choses abominables. C'est-à-dire, si on veut imposer les droits de l'homme à des pays dans le monde, bon, c'est quand même, au nom des droits de l'homme, on peut commettre des choses abominables. Et c'est d'ailleurs ce que nous renvoient les pays comme la Russie ou la Chine, qui nous disent, oui, vous avez des grands principes, mais en fait, bon. Donc ça, c'est le premier point. La question noire est aussi sidérante dans la déclaration dans la Constitution américaine de 1787, puisque dans la question noire, l'esclavage n'est jamais nommé comme tel, mais on parle des personnes libres et des autres personnes. Donc vous avez, en 1787, de facto, la reconnaissance de l'esclavage. Ce qui fera d'ailleurs, provoquera la guerre de sécession, où... D'ailleurs, dans cette guerre de sécession, les États du Sud, les sudistes, pourront se réclamer de la Constitution en disant que c'est eux qui sont fidèles à la Constitution et non pas les nordistes. En plus, et je complique encore la chose ici, avec ce sentiment que, disaient les sudistes, nous, dans les États du Sud, certes, nous avons des esclaves, mais ils sont bien traités. Vous, dans les États du Nord, vous avez des ouvriers, ils sont libres, mais ils crèvent de faim, et voilà, parce que votre capitalisme est absolument abject. Et donc, vous voyez, le débat était porteur d'une très grande conflictualité que Tocqueville identifie parfaitement. Et ce qui montre bien aussi que finalement, la démocratie fondée sur l'égalité, mais aussi donc sur ce fonctionnement de la souveraineté populaire, est quand même presque défaillante de l'intérieur. C'est-à-dire pas seulement parce qu'elle peut agir de manière irrationnelle, mais parce qu'aussi, en fait, elle est derrière son idée un peu uniforme qui nivelle toutes les mœurs est profondément fracturée, avec des valeurs distinctes entre le Nord et le Sud, mais aussi qui vise quand même à exclure tout ce qui ne ressemble pas à la majorité dite culturelle, que ce soit en termes de couleur de peau, en termes de culture, peut-être de langue et de croyance. Oui, tout à fait. C'est vraiment la trajectoire est encore très très longue avant de considérer effectivement que dans la loi, dans les faits juridiques, la dignité humaine est reconnue à part entière. Alors, sans parler effectivement arguments des femmes. Il y a des chapitres extrêmement intéressants et pertinents de Tocqueville sur les relations dans le deuxième volume ouais. Sur les relations hommes-femmes aux États-Unis, qui d'ailleurs nous disent bien aussi des choses pour l'actualité d'aujourd'hui et la conflictualisation des relations hommes-femmes. C'est vraiment très très pertinent. Il saisit ça à la racine, à l'embryon, et ça nous dit beaucoup. Donc c'est une trajectoire très longue, et d'ailleurs dans la démocratie française nous avons aussi pratiqué cette logique très très longue qui consistait à dire non pas que les gens sont pas des humains ou sont pas des citoyens, mais consistait à dire que en démocratie on a besoin de personnes qui soient libres pour être des citoyens à part entière, de plein exercice. Et on considérait que les femmes n'étaient pas libres parce qu'elles allaient voter comme leur mari ou comme leur curé, que les domestiques ou que les militaires n'étaient pas libres, et donc ils n'avaient pas non plus le droit de vote, il faut s'en souvenir, exactement pour la même raison, c'est-à-dire qu'on considère que ce n'étaient pas des gens éclairés pour participer au destin, à la décision du destin de la nation. Mais revenons, Pierre-Henri Tavoyot, juste quelques instants sur cette idée quand même que le fonctionnement de la démocratie avec ce dogme de souveraineté populaire, finalement, fonctionne presque de manière factice, vu ce que nous dit Tocqueville, c'est-à-dire qu'en fait, elle fonctionne, tout le monde est d'accord pour s'associer, pour fonctionner ensemble, à condition en fait que tout le monde accepte de s'assimiler, ou alors s'exclut finalement de ça. Est-ce que la démocratie, qui repose sur le beau principe de souveraineté populaire, finalement ne résulte pas non pas du rassemblement et de l'inclusion de tout le monde, mais sur l'exclusion? Alors ça, ce serait une critique radicale de la démocratie, ce que ne fait pas Tocqueville, et là aussi c'est assez génial chez lui, parce qu'il dit en même temps que certes, cette hypocrisie existe, mais qu'elle ne peut pas durer, parce que si vous voulez, la contradiction est tellement visible à l'égard de ces principes qu'à un moment ou un autre, effectivement, la revendication d'égalité, c'est ça la logique inéluctable, c'est-à-dire qu'en faisant ce cran d'arrêt à la citoyenneté pour tous, les Américains se mettent dans une situation inextricable qui va constituer pour eux un élément de fragilité. Et la preuve, ça va être la guerre de sécession, en tout cas pour la question noire, qui est une guerre absolument abominable. Et on en a aujourd'hui, si on fait de l'actualité, toujours un peu les traces. C'est-à-dire cette conflictualité entre le Sud et le Nord, ça rejoint, disons, des choses qu'on a vues récemment. Le problème du racisme aussi. Voilà, et le racisme est présent. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, soyons clairs, que cette problématique du racisme, disons, systémique, comme on disait, ne doit pas être appliquée à la France et à l'Europe, parce que là, la démocratie, la République française a été en l'occurrence beaucoup plus claire, puisqu'elle a aboli, alors certes deux fois, ce qui est toujours un peu suspect, mais elle a aboli clairement l'esclavage. Un dernier mot, Pierre-Henri Tavoyot, sur le fait quand même que Tocqueville dénonce l'esclavage et le génocide des Amérindiens, mais dans des textes plus tard, ne s'empêchera pas de défendre la colonisation et l'invasion de l'Algérie. Oui, dans des textes d'une brutalité incroyable, c'est-à-dire qu'il considère que le général Bugeaud, en Algérie, doit effectivement faire le sale boulot et faire vraiment du sale boulot. L'argument de Tocqueville, qu'il faut essayer de comprendre, après on partage ou pas, mais qui consiste à dire que voilà, on a décidé la colonisation de l'Algérie, c'était peut-être pas une bonne idée, mais une fois qu'on l'a décidé, il faut faire le boulot jusqu'au bout, donc de massacrer les familles, les gens. C'est complètement contradictoire avec la démocratie en Amérique. Alors oui et non, enfin oui, c'est scandaleux, mais pas forcément contradictoire, parce qu'il y a pour Tocqueville une idée qui gère ça, c'est l'idée de la grandeur nationale, au nom de cette puissance nationale qui consiste à dire que dans l'échelle géopolitique du moment, si on n'est pas là, eh bien ce sera les Anglais qui iront, les Allemands qui iront, et donc il faut vraiment que la nation doit, comme lieu de la démocratie, ayons le raisonnement complet, soit le lieu d'une puissance démocratique, avec beaucoup de difficultés, et ce sont des textes qui sont difficiles à lire, c'est Tsvetan Todorov qui les a édités, qui sont très pénibles, mais qu'il faut lire en même temps avec le génie de Tocqueville pour aussi le pondérer. Merci beaucoup Pierre-Henri Tavoyot. De vous, on peut lire Comment gouverner un peuple roi, traité nouveau d'art politique, paru aux éditions Odile Jacob, et Qui doit gouverner, une brève histoire de l'autorité, paru aux éditions Grasset. Merci beaucoup. Merci à vous. One of the things we might learn from history is that the government's interests are not necessarily the same as ours. In fact, are rarely the same as ours. Because if you think that the government's interests are the same as yours, then you think, well, if something is going wrong, it must be that they made a mistake, because they really care about us. They don't care about us. The greatest beneficiary of Reagan years was corporations. Wealthy businessmen and ministers of foreign nations. Bush promised that he would save the environment. Signed the Clean Air Act and had the public public buying it. 2 years after that, we seeing his imprudence. The EPA allowed tons of hazardous pollutants. Little money was allocated for the enforcement. Contaminated drinking water everywhere was dormant. But business worries override the safety of the public. Ecological breakdowns and nobody would publish. When Reagan got elected and he finally took to office, he spent $250,000 on his living quarters. He built the military even more and paid for it with cuts and benefits for the poor. He made $140 billion cuts in social programs. Human consequences wasn't justified to no man. He said that he still balanced the budget, but silly Leonti guaranteed that he wouldn't. The 80s were the triumph of upper class America. Ascendancy of the rich, the poor he would bury you. The gap between the rich and the poor. Vous écoutez France Culture, il est 10h54, c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi l'égalité est-elle au cœur de l'éducation ? Tout le monde comprend aujourd'hui dans nos sociétés que les inégalités scolaires sont au cœur du problème politique, que assurer l'égalité des chances est un problème politique fondamental et que l'éducation y joue un rôle central. Mais on ne comprend pas bien toujours pourquoi cette question, ces deux questions, l'égalité et l'éducation, sont si intimement liées. Au fond, justement, pour comprendre pourquoi l'égalité est au cœur de l'éducation, il faut d'abord, et ça n'est pas seulement rhétorique, se poser la question inverse, c'est-à-dire pourquoi l'éducation est-elle au cœur de l'égalité ? C'est l'aspiration à l'égalité qu'il faut poser d'abord pour comprendre comment l'éducation y joue un rôle central et pourquoi les inégalités scolaires nous indignent tout particulièrement sur le fond d'une aspiration à la justice et à l'égalité qui est devenue une sorte de boussole historique pour les êtres humains. Au fond, comme le disait Tocqueville, il se peut bien que l'aspiration à l'égalité soit devenue l'horizon même de notre histoire, que la démocratie se définit non pas par un régime établi sur la liberté et l'égalité une fois pour toutes, déclaré par les droits de l'homme, par exemple, en 1789, les hommes naissent libres et égaux en droit, mais déjà cela c'est un principe qui est advenu dans l'histoire, mais ce que Tocqueville montrait bien dans la démocratie en Amérique en particulier, c'est que avec l'idée d'égalité, c'est ouvert un horizon historique pour les êtres humains, c'est-à-dire malgré leurs différences de départ, leurs différences naturelles qui sont inévitables et fondamentales, construire une société où chacun soit égal, quelles que soient ses dispositions individuelles et naturelles. En tout cas, que les inégalités deviennent fondamentalement des injustices quand elles sont renforcées, approuvées, sanctionnées par la loi elle-même. C'est cette aspiration à l'égalité qui définirait notre devenir politique fondamental sous le signe de la démocratie. Et ce travail est toujours à l'œuvre, effectivement, dans l'histoire. De ce point de vue, l'éducation, en effet, joue un rôle central. Pour contrer les différences de départ, les différences de chance, comme on dit, au départ dans la vie, qu'elles soient physiques, psychiques, avec la question aussi des handicaps, ou qu'elles soient sociales, avec les handicaps sociaux et les différences, au fond, de position sociale, eh bien, l'éducation apparaît évidemment comme le remède fondamental. C'est ce qui permet de rattraper des compétences, de partager des sujets, de permettre aussi des choix équilibrés et individuels. Du coup, s'il y a des inégalités dans l'éducation elle-même, si les inégalités scolaires, les inégalités des chances viennent se redoubler dans les systèmes éducatifs, eh bien, bien sûr, cela nous apparaît comme un scandale supplémentaire, comme une injustice dans l'instrument même qui doit parvenir à la justice. Et c'est pourquoi aussi, il faut non seulement lutter contre cela socialement, mais aussi connaître ce phénomène éducativement, réflexivement, par ce qu'on appelle les sciences sociales. Il faut donc mesurer les inégalités scolaires, parvenir à lutter contre elles, parce que l'inégalité dans l'éducation, c'est l'inégalité dans l'outil qui doit lutter contre toutes les autres injustices. Merci beaucoup Frédéric. Vous parlez d'Alexis de Tocqueville. Nous aussi, on est sur la même longueur d'onde. Votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Voilà, Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon de la Selle qui a préparé cette émission, Carla Michel, Jules Barbier, Adèle Vendrette, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, avec à la réalisation Laurence Malonda et à la prise de son aujourd'hui Dimitri Paz et puis François Raison à la lecture des textes avec aussi Georges Kless. Pour écouter ou réécouter cette deuxième émission sur la démocratie en Amérique d'Alexis Tocqueville, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'excellente application Radio France. Rendez-vous demain pour la suite de notre série et demain, l'opinion publique empêche-t-elle de penser par soi-même ? C'est une question qu'on traitera avec Stephen Sawyer. À demain !